La violence, pas trop de clémence. Je prends la Beyoncé, je te laisse à la Solange. Tu tournes et tu mélanges, tu tournes et tu mélanges. C'est vrai, je dis 90, plus 3-0 le prix de la montre. La biatch me dit qu'elle a mal au cul. J'ai quelques déviances, je place mes finances, je travaille en freelance, vis dans l'opulence. Pas tant dans les roues, ok. Je ne sors le coup, ok. On a brisé les chaînes hier, aujourd'hui on brise le silence. Pas de concurrence, no. Ça parle en streaming, veulent un featuring, mais quelle imprudence. J'suis désolé, mais bon, c'est pas de mal avec. J'arrêterai de niquer des mères. La civière plus marre de mes adversaires. Leur Uber est une ambulance. OG, OG, OG, OG. Dame Soulior et Gigi Kobe. Mais pas la langue, j'veux pas le Covid. J'ai tout niqué, pourquoi t'applaudis? Petit, je n'ai pas eu besoin d'appartenance. Juste besoin de faire du chiffre. Mes meilleurs amis sont mes appartements. J'meurs, ils seront là pour mon fils. Dumps. On a brisé les chaînes hier, aujourd'hui on brise le...